précédemment dans La République de Platon. Je suis très frappé dans le texte de Platon quand il dit que finalement, la tyrannie, c'est-à-dire le comble de la mauvaise politique, c'est en fin de compte le règne de l'instinct de mort. L'instinct de mort de la politique, précisément. De la politique en tant qu'elle serait recherche de la justice collective. Et l'horizon collectif du règne de l'individualisme prépare la mort des sociétés. La République de Platon, saison 2, épisode 4. Peut-on choisir sa vie après la mort ? Allons, allons, s'il vous plaît, les jeunes âmes. 37, ça suffit. Qui êtes-vous ? Je suis l'assemblage de tous les chants quantiques de l'univers. Sous une forme accessible à vos petits cerveaux humains. Mais vous êtes qui ? Appelez-moi Michel. Bonjour Michel. On est au paradis ? Non. Alors ça commence par « en » et ça se termine par « faire ». L'enfer. Oui, on s'y perd facilement, je sais. Ce n'est pas le grand après, c'est le grand avant. C'est quoi le grand avant ? Oh, on l'appelle aussi « qui suis-je » maintenant. C'est plus clair. Salut les mentors ! Je suis Michel, chargé de l'encadrement à qui suis-je. Même si vous ne vous en souvenez pas, vous êtes déjà passé par ici. Mais rassurez-vous, l'oubli du traumatisme de la naissance est l'un des plus grands dons de l'univers. Ici, à qui suis-je, chaque nouvelle âme se voit attribuer une personnalité unique. Je suis sceptique mais loyale, réfléchie mais excentrique. Moi, je suis timide, très susceptible et d'une curiosité redoutable. Moi, je suis mégalomane, manipulatrice et profondément opportuniste. Oh, celle-là risque d'être un peu difficile, mais c'est un problème terrestre. Bonjour Anne Mercœur. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur de philosophie spécialisée en histoire de la philosophie ancienne, doyenne de la faculté de philosophie de l'université de Strasbourg, directrice du centre de recherche en philosophie allemande et contemporaine. Et c'est à vous que revient la tâche de terminer la lecture de La République de Platon, livre 10, aujourd'hui. Vous avez entendu un extrait du film Soul de Pixar qui semble poser une question. Est-ce qu'on peut choisir sa vie après la mort, puisque c'est ce qui arrive au personnage, et finalement il croit que il est dans ce qu'il appelle l'après. En fait, il est dans l'avant, comme s'il y avait un choix initial avant de naître. Et c'est une version contemporaine du mythe d'Ère que l'on trouve au livre 10 de la République de Platon. On va le voir, hein, c'est vraiment à la toute fin du livre, il s'agit de voyager en compagnie des âmes pour savoir dans quelle mesure nous sommes responsables de notre propre vie. Ça veut dire que la République de Platon se termine du côté d'une manière, disons, éthérée, avec les âmes qui s'envolent. On n'est plus du tout dans la politique ? On est toujours dans la politique. Surtout avec Platon, quasiment tout est politique et ça permet d'ailleurs de comprendre parfois certaines mesures qui nous paraissent étranges ou qui sont lues un peu sans contexte politique, comme la question des poètes, qui d'ailleurs précède le mythe auquel vous faites allusion, le mythe d'Ère. Et ce lien n'est pas anodin, puisque y a-t-il un après ou un avant la naissance ou un après la mort ? Ça exige déjà de se prononcer un petit peu, même si on va le faire sans certitude, sur la destinée de l'âme, l'immortalité ou non de l'âme. Donc il va falloir régler ce point, ce qui va être fait dans le livre 10. Et il va falloir régler un autre point, je dirais même il va falloir régler un compte avec Homère. Et en fait, il l'a déjà fait, on l'a entendu. Hein. Il a voulu, Homère était banni de la cité. Trop dangereux, disait-il. Voilà, mais manifestement, Platon a un très gros compte à régler avec Homère, donc il y revient au livre 10. On se demande souvent, quel est exactement le statut de ce livre 10. À vrai dire, on se pose la question sur un peu tous les livres de la République, comme ça a pu être d'ailleurs évoqué au fil des séances que vous avez déjà animées. C'est vrai que ce livre 10 fait un retour sur les poètes, et se termine par un mythe. Et il y a un lien évident entre les deux. Qui sont les auteurs des mythes ? Ce sont précisément les poètes. Et il faut déjà donc revenir à la lumière de tout ce qui a été vu dans les livres précédents, revenir sur cette question du bannissement des poètes, qui, à vrai dire, est plus complexe qu'un simple bannissement. Alors, si je refais un peu le point sur l'endroit où nous en sommes, où en sommes-nous avant de nous aventurer dans cette espèce de mythe un peu abracadabrantesque qui va nous emmener dans un espace, une sorte de troisième dimension, quatrième dimension, je ne sais pas. La République de Platon s'est ouverte, comme vous avez pu le voir, s'est ouverte sur un très gros conflit avec la sophistique. Un très gros conflit sur la question de savoir est-ce que la justice est un bien pour les autres, un bien étranger, comme dit Thrasymaque au premier livre, ou est-ce que, en gros, quand on est juste, quand on est honnête, est-ce qu'on travaille pour les autres contre son propre intérêt. Et c'est presque une mise en accusation de la justice que fait Thrasymaque, du point de vue platonicien en tout cas, qui fait que finalement la justice n'est bonne à rien. Elle est bonne pour les autres, mais elle n'est pas bonne pour soi, et donc elle n'est pas désirable. On peut considérer que tout le travail de la République consiste à rendre la justice désirable et à pouvoir orienter naturellement le désir vers cet objet, ce qui aura l'immense avantage de pouvoir se passer de toute contrainte. Je crois que vous pouvez voir l'intérêt politique qu'il y a. Ah oui, si les hommes désirent la justice, on n'a plus besoin de les contraindre. Il n'y a plus besoin de policiers, il n'y a plus besoin de gardiens, il n'y a plus besoin d'autoritarisme. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a jamais besoin d'autoritarisme, mais disons qu'il n'y a plus besoin de l'élément extérieur de la contrainte, pourvu d'ailleurs qu'il y ait eu une éducation correcte, d'où aussi la question de l'éducation qui est là encore liée à la poésie. Oui, et qui est centrale dans le livre 10. Voilà, qui est liée à Homère, qui est déclaré dans le livre 10 être celui qui aurait éduqué la Grèce. Alors cette éducation, en effet, elle a été faite par les poètes. On a des témoignages, aussi bien chez Platon, mais chez des orateurs, chez Échine, chez Isocrate, comme quoi les petits Athéniens apprenaient par cœur des poètes et que si on enlevait la dimension poétique et qu'on regardait que le fond, ben finalement c'était une forme d'éducation morale pour en faire des bons citoyens. Donc il y avait vraiment cette pratique de l'éducation qu'on va dire entre guillemets littéraire, même si le mot n'est pas très bien adapté, mais une éducation avec le fond de la poésie, qui est à la fois une éducation on va dire musicale de l'art des muses, une éducation à la parole, au beau langage, etc., mais aussi vraiment une éducation éthique et morale. Et donc, il est assez normal que le philosophe Platon se saisisse très sérieusement de cette question-là. C'est un peu comme on apprend les fables de La Fontaine, mais aujourd'hui, j'espère qu'on les apprend encore, mais peut-être avec une dimension beaucoup plus forte dans l'Antiquité, avec une moindre place des mathématiques. Platon a été très novateur en proposant une telle place dans la République pour les mathématiques, pour la formation de l'esprit, etc. Et si Platon a un compte à régler, c'est pas tellement par son goût personnel, c'est vraiment une question politique. Comment la poésie agit-elle sur les âmes des enfants et quel type de citoyen va-t-elle fabriquer, puisqu'elle fabrique des citoyens? Simplement, à l'époque de Platon, ça se fait de manière, on va dire, traditionnelle, sans qu'il y ait véritablement un plan pensé politiquement, et d'une certaine manière, Platon arrive comme le penseur d'un plan éducatif et d'un plan de formation du citoyen qu'on ne doit pas laisser au hasard et qu'on ne doit pas laisser au poète, du moins pas au poète tout seul. Le bannissement des poètes n'est pas absolu. Platon leur met des conditions. Il leur dit, écoutez, c'est simple, votre poésie telle que je la vois actuellement, elle est essentiellement destinée à faire plaisir. Et dans cette mesure-là, elle ne s'embarrasse pas de vérité. Et elle s'embarrasse d'autant moins de vérité que Platon dénie à Homère en particulier une véritable connaissance des choses dont il parle. Et il fait un parallèle dans le livre 10 entre les poètes et les sophistes, ce qui n'est pas gentil dans la bouche de Platon. C'est le moins qu'on puisse dire. Je dirais dans la bouche de Platon, parce que par ailleurs, la sophistique, Platon, d'une certaine manière, l'a quand même fait rayonner. Je dis toujours que les plus belles pages de sophistique ont été écrites par Platon. Ce qu'il met dans la bouche de Protagoras, c'est fabuleux. Voilà. Mais donc, c'est au nom du plaisir qu'il procure que Platon va condamner certains poètes. C'est-à-dire, c'est pas au nom du plaisir. C'est le divertissement. Platon n'a absolument rien contre le plaisir. Oui, c'est ça, précisez-nous. En revanche, le plaisir n'est pas le critère. Et le plaisir lui-même, il n'y a rien de plus malléable que le plaisir. Donc, vers quoi est orienté le plaisir? Alors, si on l'oriente vers des choses qui amollissent l'âme, qui la rendent molle, frivole, même lâche, etc., le plaisir est à bannir. Et la poésie qui vise le plaisir est aussi à bannir. Donc c'est le divertissement qu'il bannit. C'est une sorte de divertissement, si vous voulez. Mais Platon ne parle pas en termes de divertissement, parce que divertissement, vous avez l'idée que ça vous détourne de votre tâche principale, de quelque chose que vous ne voulez pas voir. Enfin bon, toute la thématique chez Pascal, c'est vraiment une sorte de fuite par rapport à quelque chose qu'on essaie de voir, etc. C'est un déni. Alors que Platon, c'est pas du tout ça. C'est presque une prescription médicale, c'est-à-dire quels sont les aliments qui sont bons pour l'âme, qui sont bons pour l'enfant, pour les tout-petits. Le point sensible des mythes, c'est qu'en fait, c'est le premier discours qu'on entend dans son existence. Donc, c'est pas rien, les mythes. Là, vous avez passé un extrait d'un film. Ouais. Si je ne m'abuse, c'est un film pour enfants. Ouais. Et donc, quel serait le problème? C'est que ça laisse entendre... En fait, le problème, c'est un rapport à la connaissance. C'est que le film ou le mythe n'enseigne pas une connaissance vraie. Voilà. Et il y a un double problème. D'abord, quel est le contenu du mythe? Ce contenu-là, comment se situe-t-il par rapport à ce qu'il faut viser pour avoir de bons citoyens? Et le troisième point, c'est l'âme des enfants. L'enfant, c'est le commencement. Et il y a un proverbe grec qui dit le commencement est la plus grande partie du tout. Donc il n'y a rien de plus important que le début. C'est là que beaucoup de choses se jouent, peut-être même tout. D'où l'importance encore de l'éducation et d'où le fait que, dans un dialogue connexe à la République, les lois, on voit Platon édicter des lois, ou en tout cas des règles quasiment médicales, sur la manière dont les femmes enceintes doivent se comporter. Comme le fait d'ailleurs un médecin aujourd'hui. On recommande certains comportements, un certain régime alimentaire, pas boire d'alcool, etc. Et c'est assez étonnant de voir un homme, enfin quand même, pour avoir une perspective un peu de genrée, si je puis dire, de voir un homme aristocrate préoccupé de choses qui relèvent vraiment de la sphère totalement féminine. Et on voit donc Platon faire une incursion très très forte pour effectivement régler le compte de la manière dont les mythes et dont les poètes, subrepticement, façonnent l'âme des enfants, puisque ce sont les nourrices qui racontent les poèmes les poèmes et les mythes, etc. Alors, je reviens à la question politique. On est dans la République. Donc, si on parle, on dit Platon bannit les poètes, etc. Qu'est-ce que c'est que ce type complètement austère, qui est pas capable de prendre son plaisir? Mais c'est pas du tout la question. Il a un objectif. Là, il veut fabriquer des dirigeants et des guerriers. Des guerriers qui vont protéger la cité. Eh bien ça ne se fabrique pas, si je puis dire, n'importe comment. Alors, je vous propose qu'on avance dans la lecture de ce livre 10. Vous avez bien resitué les choses. La question qui se pose est celle de savoir quelle relation Platon entretient-il avec Homère. On a bien compris que les poètes, pour lui, pouvaient représenter un danger dans l'éducation des enfants. Vous allez peut-être nous repréciser en quel sens. Mais surtout, Platon a des comptes à régler, vous l'avez dit, mais alors il a vraiment un compte à régler avec Homère. Écoutons quelques lignes de l'Odyssée et puis ce que Platon reproche à Homère. Puis-je dire deux mots à ton aide, sage Alcinous? Il est à toi autant qu'à moi, tu es mon hôte. Démodocos, j'ignore si c'est la muse, fille de Zeus, ou Apollon lui-même qui t'inspire. Mais tu chantes si bien le sort des Achéens, leurs exploits, leurs malheurs, avec des traits si justes, qu'on pourrait croire que toi-même y étais. Chante-nous donc l'histoire de ce cheval de bois construit par Épéios, et conte-nous comment l'illustre Ulysse, ayant empli ce piège de guerrier résolu, le fit entrer dans l'acropole, et par ce stratagème, permit aux Achéens d'en finir avec toi. Si tu me contes l'aventure avec force détails qui soient tous véridiques, j'irai partout clamant qu'un dieu dicte ton chant. Glaucon, quand il t'arrivera de tomber sur des admirateurs d'Homère, eux qui affirment que ce grand poète a éduqué la Grèce et qu'il mérite qu'on entreprenne de connaître son œuvre pour apprendre à administrer et à éduquer dans le domaine des affaires humaines, et qui recommandent qu'on mène sa vie en conformant la totalité de notre existence à l'enseignement de ce grand poète, il faudra les considérer comme des amis et leur donner notre affection, en reconnaissant qu'ils sont les meilleurs qu'on puisse trouver et nous accorder avec eux pour dire qu'Homère est suprêmement poétique et qu'il est le premier des poètes tragiques. Il faudra cependant demeurer vigilant. Les hymnes aux dieux et les éloges des gens vertueux seront la seule poésie que nous admettrons dans notre cité. Si au contraire tu y accueilles la muse séduisante, que ce soit dans la poésie lyrique ou épique, le plaisir et la peine régneront alors dans ta cité à la place de la loi et de ce que la communauté reconnaît toujours comme ce qu'il y a de mieux, la raison. Disons encore à la poésie, pour qu'elle ne nous accuse pas de rigidité et de grossièreté, qu'il est ancien le conflit entre la philosophie et l'art de la poésie. Affirmons que, pour notre part en tout cas, si la poésie imitative, qui a pour objet le plaisir, est en mesure de fournir un argument justifiant qu'elle trouve sa place dans une cité soumise à de bonnes lois, nous l'y ramènerions avec enthousiasme, car nous avons bien conscience d'être nous-mêmes sensibles à son charme. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous terminons la lecture de La République de Platon ce matin en compagnie de la philosophe Anne Mercker, livre 10, dans lequel on entend ce texte de Platon qui s'adresse à Glaucon et qui revient sur le problème avec les poètes et surtout avec Homère. Ai-je raison, Anne Mercker, d'entendre dans ce texte une grande ambivalence de Platon à l'égard d'Homère? Il a un compte à régler, surtout il se sent en rivalité, on peut aller jusque-là? Ah oui, en rivalité, tous les grands auteurs de l'Antiquité ont une forme de rivalité vis-à-vis d'Homère. Vous la trouverez aussi chez Thucydide, une manière de dire, moi je vais faire vraiment de l'histoire et pas des mythes, mais quand même une relecture d'Homère. Enfin, Homère est la référence. C'est la référence, il a été fabriqué là aussi comme une sorte de figure tutélaire chez qui on va parfois chercher une autorité. Aristote fait tout le temps ça, d'aller chercher après ses développement philosophique, il fait une petite citation d'Homère pour se mettre sous le patronage. C'est celui dont on apprenait les poèmes dans l'enfance. Enfin, c'est considérable. Et il a été construit comme une figure qui aurait tout inventé. Voilà, il y aurait un peu tout dans Homère, la rhétorique, tous les arts. Voilà. Donc c'est vraiment une figure peut-être même un peu écrasante. Hein. C'est ça, ils sont jaloux, au fond, les autres. Voilà, on pourrait dire qu'il y a une forme de jalousie. En tout cas, il y a assurément une joute. On est dans un cadre très agonistique et Platon fait une joute avec Homère. Alors là, très concrètement, dans le livre 10, je vais reprendre votre question et je vais arriver justement à cette joute très concrète. Votre question sur finalement qu'est-ce que Platon reproche concrètement à Homère? Exemple, la représentation de la mort. Homère représente la mort comme effrayante. Mmh. Et il y a notamment cet épisode dans l'Odyssée au chant 11, de l'évocation des morts où on voit des scènes extrêmement lugubres. On voit même Achille qui dit « je préférerais être un esclave sur terre plutôt que d'être dans la déesse ». Enfin, il y a quelque chose vraiment de très négatif. Mais c'est le passage aux enfers d'Ulysse avant qu'il retourne à Ithaque. Exactement. C'est ce qu'on appelle la nekuia en grec, l'évocation des morts où Ulysse fait monter les âmes, et enfin il descend lui-même et il fait apparaître les âmes et il les voit, il parle avec elles, etc. Donc il y a quelque chose de très très lugubre sur la mort, et Platon reproche le fait que avec ces représentations on va façonner l'âme de telle sorte qu'elle soit remplie de peur vis-à-vis de la mort. Or, je reviens au but de Platon ici, c'est quand même de fabriquer une classe dirigeante qui soit à la fois guerrière au sens le plus noble du terme, courageuse, ferme, endurante dans les dangers, et donc ça présuppose de ne pas craindre la mort. Voilà, un exemple extrêmement concret. Alors même là, en fait, vous soulignez bien l'ambivalence de Platon. Il est sous le charme. Mais qui ne peut être sous le charme d'Homère? Enfin, moi, je considère que l'Iliade est un texte indépassable. C'est plus encore que l'Odyssée, d'ailleurs, mais c'est extraordinaire. Évidemment qu'il est sous le charme. Mais il dit bien que il y a deux types d'auditeurs de ces poètes. Il y a ceux qui ont un remède et il y a ceux qui n'ont pas le remède. Toujours cette métaphore médicale chez Platon. Qu'est-ce que c'est que le remède? Le remède, c'est la connaissance. Donc, finalement, mais quelle est la maladie? Le remède à quoi ? La maladie, c'est précisément cette forme d'ignorance qui va vous faire craindre la mort parce que vous allez prendre les mythes au pied de la lettre. Vous allez être impressionné. Et puis alors un enfant, un tout petit, on ne peut pas lui demander. C'est normal qu'il n'ait pas la connaissance. Donc, il n'a pas le remède et il reçoit finalement un discours qui va façonner son âme comme de la cire. Platon prend une image où il dit les nourrices, dans l'Antiquité, elles pétrissaient le corps des nourrissons. Et Platon fait remarquer que, sans s'en rendre compte, en racontant des histoires, on pétrit aussi l'âme et on donne une forme à l'âme. Et donc, il faut se ressaisir de ce qui se faisait de manière totalement latente, sans qu'il y ait une pensée politique de cet acte-là. Ce que nous dit Platon, c'est quand même assez extraordinaire, c'est qu'en fait, le travail des nourrices est déjà un travail politique. Mais ça n'est pas pensé comme tel. Et Platon vient le penser de cette manière-là. Et il vient montrer la puissance extraordinaire que peut avoir la poésie. Alors, il dit quelque part dans le livre 10, mais quand on est soi-même en possession du remède, c'est-à-dire de la connaissance, on peut jouir de cette poésie, mais on va le faire presque entre nous, en secret, on va le réserver. On va réserver cette poésie-là à des gens qui peuvent s'y exposer sans aucun danger. Mais en revanche, il y a une adaptation à avoir. D'ailleurs, c'est un principe qui est explicité dans le Phèdre. On doit déjà connaître quel est le type d'âme, on doit connaître quel est le type de discours et quelle est la réception d'une âme par oui, quel discours. Mais est-ce que là, Platon n'est pas extrêmement normatif ? Je sais où est le vrai, la poésie a tort, et c'est moi qui vais vous apporter le remède. Il est totalement normatif. Oui. Absolument, il est totalement mais normatif. C'est presque contre-productif, parce que du coup, on n'a pas envie de le suivre jusqu'au bout. On se dit, oulala, Platon, pourquoi une telle position aussi tranchée, et une telle certitude ? Il ne doute pas beaucoup à ce moment-là. Il ne doute pas au livre 10, parce qu'il y a eu tous les livres précédents. Et dans les livres précédents, il a longuement, vous reconnaîtrez que c'est assez long. Oui, ça fait 2 semaines qu'on est dessus. Voilà, il a longuement et presque, je dirais, visuellement montré que la justice pensée comme le fait que l'âme est bien ordonnée et qu'il y a une hiérarchie, hein, c'est toujours une pensée hiérarchique. Hein, on est avec un Platon aristocratique. Hein, il y a une hiérarchie, pas une opposition, mais une hiérarchie entre l'intelligence et les autres parties de l'âme, partie impétueuse qui est responsable de l'ardeur, des sentiments, la partie appétitive, et puis le corps. Et la justice, finalement, c'est cette bonne hiérarchie qui fait que chacun est à sa place, et étant à sa place, chacun est capable d'avoir sa vertu propre, et notamment le courage. Et il a quand même mis du livre 10, enfin il a pris les livres 2 pardon, à 9 pour le montrer, et ce qu'il a montré, c'est quelque chose de très simple et de très fort, c'est que la justice est puissante de manière immanente. Elle a une puissance de faire du bien. Et donc, c'est de manière immanente, si j'ai en moi la justice, je reviens à ce que c'est-à-dire c'est cette forme de hiérarchie de mon âme, où finalement ce qui est apte à commander, à savoir l'intelligence, commande effectivement sur les autres parties de l'âme et sur le corps. Une fois qu'on a structuré l'âme avec cette hiérarchie et ce commandement, on regarde quels sont les effets intérieurs. Les effets intérieurs, c'est une harmonie avec soi-même, une amitié, une capacité d'action, et une capacité finalement à mener une vie humaine qui soit digne de ce qu'on attend d'un être humain. Et en faisant cela, donc très longuement, Platon a montré que la justice, par sa nature intrinsèque, a la puissance de nous rendre heureux. Voilà ce qu'il a fait. Et il s'est en quelque sorte enfermé dans l'âme, qui est très difficile à voir, donc il a pris un modèle extérieur, une cité, qui est simplement un grand modèle sur lequel on va lire plus facilement ce qui se passe dans l'âme, parce que nous conviendrons bien que c'est pas facile d'observer une âme. Oui, il prend la métaphore de la police de la l'écriture, cité, voilà, oui. C'est, je veux dire une grosse écriture. Exactement. On l'immue avec une écriture large, donc une police plus importante qui serait l'équivalent de la cité, plutôt qu'avec une police petite qui serait l'équivalent de l'âme. C'est exactement. Comme un effet de loupe. Mais exactement. Ça veut dire que l'enjeu premier n'est pas politique pour Platon. L'enjeu premier, c'est le bonheur. de l'individu. L'enjeu premier, vous avez raison, c'est le bonheur, mais il pense le bonheur malgré tout dans un cadre politique. Oui, mais vous avez raison, on peut dire l'enjeu premier, c'est éthique. Ouais, c'est mais, ça. Et chez Platon, l'éthique n'est pas séparable de la politique et réciproquement. Et pour la simple raison, en tout cas pour l'éthique inséparable de la politique, c'est que, encore une fois, l'être humain naît dans un état, le commencement de l'être humain est un commencement dont il faut prendre acte, où l'intelligence n'est pas développée. Et le commencement, c'est le plus important de tout. Donc, l'être humain advient comme être humain uniquement dans une communauté humaine par le biais de l'éducation. C'est pourquoi on retrouve en permanence la question de l'éducation chez Platon, mais en permanence. Et donc, le livre 10 apporte quelque chose de supplémentaire qui est désormais... Pendant des livres, on a réussi à montrer que la justice a une puissance bénéfique. Tout est centré autour de la puissance. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a puissance de faire? Elle a puissance bénéfique, de même que la santé. Il y a un parallélisme entre la santé et la justice. L'injustice a une puissance négative. L'injustice fait du mal intérieurement. Ça, c'était l'objet des livres précédents, et ça répondait à la demande de Glaucon et d'Adimante, qui était de dire, mais Socrate, en gros, je vais utiliser des mots qui sont pas dans le texte, mais qu'on arrête de nous faire la morale. Voilà. Qu'on arrête de nous faire la morale, de nous dire, ah, c'est pas beau d'être injuste, c'est vilain, il faut pas, etc. Il y en a assez. Maintenant, Socrate, s'il te plaît, montre-nous que la justice est notre plus grand intérêt de manière totalement immanente. On oublie les forces de l'ordre, on oublie les châtiments des dieux, on oublie les châtiments des humains, on oublie tout ça. Et tu nous montres qu'à l'intérieur même de l'âme, de l'individu humain, la justice nous fait du bien. Et donc, elle est un bien propre et pas un bien étranger. C'est ça, hein, c'est ça. C'est totalement intéressé. Donc effectivement, totalement... on évacue la morale et on se dit, voilà, quel est mon intérêt à être le plus juste voilà, possible. Voilà, c'est totalement hétéronome, pour reprendre un terme kantien qui, de ce point de vue-là, à mon avis, je ne le suis pas du tout, mais de ce point de vue-là, il a raison de dire qu'il y a un principe hétéronome dans la morale de l'Antiquité. Donc ce qui fait que Kant dénie la moralité au sens le plus strict. Oui, voilà. Parce que pour Kant, est morale une action qui se donne à elle-même sa propre loi. Oui. Alors là, c'est l'inverse. Voilà, enfin, qui obéit. La moralité n'advient que par le simple fait d'obéir à la loi morale parce que c'est une loi morale. C'est et ça. Pas en tant qu'elle permet d'accéder au bonheur, etc. Et après, Kant récupère le bonheur d'une autre manière. Hein. Il ne l'oublie pas non plus. Non. Mais il ne le met pas dans la moralité. Alors que là, c'est très clair. C'est très, très clair. Et en fait, tout est centré autour de la notion du bien, c'est-à-dire du bénéfique. Voilà, le bien, c'est ce qui fait du bien. Et une fois qu'on a montré que la justice, c'est le bien de l'âme humaine, de même que la santé est le bien du corps humain, à ce moment-là, il n'y a plus besoin de contraintes externes, puisqu'on désire. On désire notre propre bien. Voilà, une fois qu'on a compris ça, et c'est de là le paradoxe, nul n'est méchant de plein gré, parce que finalement, être méchant, être injuste, c'est faire venir en soi l'équivalent de quelque chose qui est une maladie. Et personne n'a franchement envie d'être malade en soi. Et donc le livre 10 va apporter un complément qui est extrêmement important, mais qui n'est qu'un complément. On va récupérer à présent, on va reprendre ce qui a été évacué, c'est-à-dire on va reprendre les récompenses extérieures et les châtiments extérieurs. D'où le mythe qui va être proposé, oui. Et d'où un préliminaire avec la poésie. Une fois qu'on a réglé le compte, on peut passer au mythe. Mais entre les deux, alors on peut passer au mythe, oui, si vous voulez, Anne-Mercaire, mais il y a quand même un passage argumentatif qui consiste pour Platon, la personne de Socrate, de démontrer l'immortalité de l'âme. Alors on a l'impression que c'est une chose que Socrate fait quasiment dans tous les dialogues de Platon, il faut toujours démontrer l'immortalité de l'âme, et il veut essayer de prouver pourquoi est-ce que c'est important de montrer que l'âme est immortelle. Je vous propose qu'on écoute un extrait, ça donne une idée en plus du type d'argument qu'il déploie. Et puis vous nous direz ensuite, Anne-Mercaire, pourquoi c'est indispensable, avant d'entendre le mythe d'air, d'avoir ces lignes en tête. L'injustice qui a envahi l'âme, comme le reste du mal, tout cela du fait de l'avoir pénétrée et de s'y être incrustée, ne va pas la corrompre et la flétrir au point de la conduire à la mort en la séparant du corps. Et pourtant, ce serait paradoxal que d'affirmer que la défectuosité d'un autre être vient détruire quelque chose, alors que sa propre défectuosité ne le fait pas. Garde bien à l'esprit, en effet, Glaucon, que nous ne pensons pas que le corps puisse périr sous l'effet de la mauvaise qualité des aliments, telle qu'elle se développe en eux, que ce soit leur mauvaise conservation, la pourriture ou tout autre défaut. Mais si la mauvaise qualité des aliments eux-mêmes produit pour le corps un mal qui lui est propre, nous dirons que c'est par l'intermédiaire des aliments, en raison du mal propre au corps qu'est la maladie, qu'il a été détruit. Mais nous n'estimerons en aucun cas qu'il aura été corrompu par la mauvaise qualité des aliments qui constituent des êtres différents de l'être qu'est le corps, c'est-à-dire par un mal étranger qui n'est pas l'auteur de son mal propre. En suivant maintenant un raisonnement identique, n'allons pas croire, si un défaut du corps ne peut entraîner pour l'âme un défaut de l'âme, que l'âme puisse périr sous l'effet d'un mal qui lui est étranger sans que son mal propre ne soit en cause, et donc que quelque chose que ce soit puisse périr par l'effet du mal d'une autre chose. Notons, Anne Mercker, que si pour Platon ce qui importe c'est la démonstration de l'immortalité de l'âme, il fait preuve dans ce texte et dans tous ses dialogues d'un immense souci du concret, de la matière, de la métaphore culinaire, comme s'il fallait passer par cela pour mieux prouver le caractère immortel et donc immatériel de l'âme. Oui, il fonctionne énormément par métaphore et par métaphore de deux plans, souvent côté corps et puis côté âme. Le caractère totalement immatériel de l'âme est assez complexe. D'abord, l'âme est plurielle hein, dans la République. Seul l'intellect, l'intelligence peut prétendre à quelque chose de totalement immatériel. Et même comme ça, dans le Phédon, il dit, bon, c'est ce qui est le plus proche des formes intelligibles. Mais voilà. Mmh. Et quand on lit le Timé, en fait, l'âme, dans le fond, a un statut un peu intermédiaire entre le corporel et ce qui est totalement Elle s'est pas complètement éthéré. C'est non pas complètement éthéré, parce qu'il va quand même bien falloir pouvoir raconter encore un mythe et qu'il ouais. faut quand même bien qu'elles aient encore une personnalité. C'est une caractéristique chez Platon, hein, c'est que les mythes eschatologiques, les âmes conservent leur personnalité. Alors avant d'en venir là, puisqu'on va y venir, effectivement, il y a entre deux, hein, entre le moment où il parle, il revient sur les poètes et puis où il va faire lui-même œuvre de poète. Voilà, hein, ce n'est pas la moindre des contradictions. Voilà, justement, c'est la rivalité dont vous parliez. Oui, c'est ça. Il faut qu'il montre que lui aussi peut écrire des poèmes. Ah ben, c'est tout à fait. Il peut écrire de la sophistique mieux que tous les sophistes. Il peut écrire des mythes mieux que tous les poètes. Enfin, c'est ça, Platon. Hein. Nietzsche souligne beaucoup, d'ailleurs, cet élément de joute de Platon vis-à-vis de tous les talents de son époque. Hein. Il est effectivement celui qui est doué de tous les talents. Alors, ce petit moment qui est très bref dans La République et qui est assez obscur. J'espère qu'on n'a pas perdu tous les auditeurs. Ils sont là. Qui est vraiment à l'ambiguïté. En fait, c'est quelque chose de très simple et effectivement de très matériel comme raisonnement. Le pivot de ce raisonnement, c'est toujours, encore une fois, la notion de bien et la notion de mal. Alors, enlevons tout sens moral à ces notions. Hein, on va revenir au fondamental, c'est-à-dire le bien, ça fait du bien, le mal, ça fait du mal. Voilà, c'est tout. On enlève les aspects moraux. C'est le bon et le mauvais, au fond. Voilà, si vous voulez. Mais le bien et le mal, en français aussi, hein, quand on dit c'est un bien, ou voilà, ça marche aussi. Et Platon fait un raisonnement un petit peu complexe à suivre, et il explique que finalement, chaque chose a un bien qui lui est propre et un mal qui lui est propre. C'est-à-dire, il y a des mots qui peuvent être pour un être et qui ne sont pas pour un autre, qui ne nous concernent pas. La rouille, par exemple, la rouille concerne le fer, mais ça ne concerne pas la chair humaine, par exemple. Hein, voilà. Même si on emploie l'image souvent pour dire qu'on a un corps rouillé. C'est de la métaphore. Mmh. Mais disons, ou bien vous avez des choses qui sont un poison pour certains animaux et qui ne vont pas être un poison pour d'autres. Vous voyez, des choses comme ça. Et donc, Platon fait un raisonnement de sorte à dire, regardons le corps, a un mal, diverses maladies, et le mal qui est vraiment propre à ce corps, enfin propre, qui est immanent et co-naturel à ce corps, qui se trouve en lui, le met en mauvais état et peut aller parfois jusqu'à le détruire. Mmh. Et effectivement, qu'il n'en reste plus rien qu'on puisse vraiment qualifier de corps. Alors il demande à son interlocuteur, a-t-on la même chose pour l'âme ? Quel est le mal de l'âme ? Nous l'avons montré pendant tous les livres précédents, c'est l'injustice, c'est-à-dire l'ensemble des vices, l'injustice, la lâcheté, l'intempérance, etc. Ça, c'est le mal qui est propre à l'âme, puisque l'âme n'est pas touchée par la grippe, n'est pas touchée par des choses comme ça. Elle est touchée par son mal propre, dont on a montré que c'était l'injustice et le vice au sens moral, cette fois. Et le jeu argumentatif consiste à demander, mais est-ce que ce mal, il met en mauvais état? On est bien d'accord, c'est ce qui a été montré. Il met en très mauvais état, et donc d'ailleurs il rend malheureux. Mais il met en mauvais état. Mais est-ce qu'il va jusqu'à détruire? Ou est-ce que c'est comme une maladie qui ne ferait que mettre en mauvais état sans être mortelle? L'injustice est une maladie, mais ça n'est pas une maladie mortelle. C'est-à-dire, elle n'est pas mortelle tant qu'on reste dans l'hypothèse qui est rappelée par Socrate ici, on fait abstraction des châtiments des humains, etc. Parce que peine de mort, etc., à l'époque, enfin, d'ailleurs encore aujourd'hui, hein, il y a des pays où la peine de mort est appliquée. Donc on peut dire, ah oui, mais les gens injustes sont condamnés par des tribunaux et ils en meurent. Non, ils ne meurent pas de leur injustice. Ils meurent du châtiment qui leur est appliqué. Donc, Platon explique, à travers Socrate, le mal propre de l'âme, celui qui le touche, est une maladie qui n'est pas mortelle. Donc, l'âme ne meurt pas par son mal propre, a fortiori, elle ne va pas mourir par un mal qui lui est étranger. Elle va pas mourir d'une maladie du corps, etc. Donc, on n'a rien qui puisse faire mourir l'âme. Donc, l'âme est immortelle. Vous trouvez ça satisfaisant ? Personnellement, non. On est d'accord. Je dirais, je trouve ça satisfaisant au sens où il y a une insistance régulière de Platon sur cette notion de puissance bénéfique du bien et de puissance nuisible du mal. Et ça, je trouve ça un argument très fort. En revanche, là où ça me paraît léger, c'est que finalement, il présuppose déjà ce qui devrait être aussi à démontrer, exactement, à savoir une indépendance totale de l'âme. Donc je trouve que ce petit argument qui est un peu coincé, c'est l'entre-deux, hein, l'entre-deux entre Homère et le mythe d'Er, qui est fait très vite, il fait un petit peu une pétition de principe, et on voit bien d'ailleurs que dans le Phédon, là c'est tout le dialogue. Et oui. Et tout le dialogue, et même à la fin du dialogue, il y a seulement « je ne suis pas certain » que l'âme est immortelle, mais si elle est immortelle, voilà, alors il faut prendre en compte non pas simplement notre durée d'existence avec le corps, mais la totalité. Et c'est ce que fait le mythe d'Er. Et voilà, auquel nous arrivons maintenant, et on va terminer l'émission avec ça. Il nous reste du temps hein, pour en parler, heureusement, parce que ce n'est pas n'importe quel mythe. Est-ce que vous voulez nous dire deux mots du mythe avant qu'on entende un extrait, ou est-ce que vous voulez d'abord entendre l'extrait, puis vous nous en parlez ensuite? Que souhaitez-vous, Anne-Marie? Je peux vous dire peut-être oui, deux mots. Oui, qui est Er? Déjà, R, c'est ER, hein, c'est un personnage, oui, c'est pas la lettre. Alors, qui il est, justement, c'est pas forcément ce sur quoi j'aurais beaucoup de mots à dire, puisque non, mais bon, il comme reste c'est le nom très du mythe, énigmatique. Ouais. Simplement, peut-être juste situer le geste platonicien. On peut considérer que dans ce mythe, Platon donc d'abord se substitue hein, à Homère pour un récit sur ce qu'il y a après la mort. Donc c'est un récit aussi sur la mort. Y a-t-il à craindre? Comment y a-t-il à craindre? Et quelles conséquences ça a sur notre vie ici et maintenant? Puisque encore une fois, ce qui intéresse quand même Platon, c'est quand même ici et maintenant dans la communauté humaine qui forme la politique, la communauté politique. Mais on peut considérer qu'il met en œuvre les recommandations qu'il a faites déjà au livre 2 et au livre 3. Et il avait établi des tupoi, des types, des sortes de, on peut dire des modèles, mais c'est plus des sortes de matrices sous forme de lois, en disant, d'une part, on autorisera les poètes à faire des poèmes à condition que ils respectent un certain nombre de lois. Premièrement, le dieu est bon. Or, ce qui est bon, on retrouve l'argument, ce qui est bon n'a pas puissance de faire du mal. C'est une question de puissance. Le bien fait du bien, le mal fait du mal. Le dieu est bon, donc on va pas le représenter comme le fait Homère. Voilà. Et les humains devront cesser de se plaindre sur les dieux de leur sort, puisque les dieux ne peuvent pas leur envoyer quelque chose de mal. Or, dans le mythe d'Er, dans un passage clé, que vous connaissez bien, il est dit clairement que le dieu n'est pas responsable. Donc on entend le texte. Alors juste le texte, il faut savoir qui parle dans ce texte. Non, on va écouter le texte. On donnera si vous voulez, alors c'est donc le R, dont on ne sait rien, personnage fictif, qui est un guerrier mort au combat et qui se retrouve finalement emmené avec les âmes des autres morts, mais lui va ressusciter. Il a comme mission de raconter tout ce qu'il aura vu dans cette période des âmes, de migration des âmes, de sorte à pouvoir en venir en témoigner ici et maintenant. Voilà. Témoignage. Âmes éphémères, voici le commencement d'un nouveau cycle qui, pour une race mortelle, sera porteur de mort. Ce n'est pas un démon qui vous tirera au sort, mais c'est vous qui choisirez un démon. Que le premier à être tiré au sort choisisse le premier la vie à laquelle il sera lié par la nécessité. De la vertu, personne n'est le maître, chacun selon qu'il l'honorera ou la méprisera, en recevra une part plus ou moins grande. La responsabilité appartient à celui qui choisit, le Dieu quant à lui n'est pas responsable. Sur ces mots, il jeta les sorts sur eux tous, et chacun ramassa celui qui était tombé près de lui, sauf R, lui-même, à qui on ne le permit pas. Et quand chacun eut ramassé son sort, il sut clairement le rang qui lui était échu pour choisir. Après cela, il poursuivit en plaçant devant eux, étalés sur le sol, les modèles de vie. Le nombre en était de beaucoup supérieur à celui des âmes présentes. Il y en avait de toutes sortes. On y trouvait en effet les vies de tous les animaux et la totalité des existences humaines. On trouvait parmi les vies humaines des vies de tyrans, certaines dans leur entièreté, d'autres interrompues au milieu et s'achevant dans la pauvreté, l'exil, la mendicité. Il y avait aussi des vies d'hommes renommés, soit pour leur aspect physique, leur beauté ou leur force et leur combativité, soit pour leurs origines et les vertus de leurs ancêtres. Il y avait également des vies d'hommes obscurs à tous égards, et il en allait de même pour les vies de femmes. L'arrangement particulier de l'âme n'y figurait cependant pas, du fait que celle-ci allait nécessairement devenir différente selon le choix qu'elle ferait. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Quel texte magnifique lu par Bernard Gabay, quel mythe magnifique et particulièrement significatif, Anne Mercaire. Alors, s'il fallait en une phrase résumer ce que signifie ce mythe, je vous propose celle-ci, vous me direz si vous souscrivez. Une âme est-elle responsable du choix qu'elle fait après la mort, dans la mesure où son choix est lui-même dicté par la vie qu'elle vient d'avoir? Alors, dicté est certainement un peu trop fort. On n'est pas dans une problématique de déterminisme ou de libre arbitre, qui est déjà une radicalisation de quelque chose qui est en germe ici, mais qui est pas aussi nettement tracé que cela. Parfois, c'est à contrario, c'est-à-dire selon la vie qui a été menée par l'âme dans sa précédente vie, elle est un peu échaudée. C'est le cas de Ulysse qui va prendre une vie de simple particulier. Voilà, parce qu'il veut être maintenant tranquille chez lui, dans son foyer, plutôt que de courir le monde comme ça, de passer d'île en île et d'aventure en aventure. D'autres, en quelque sorte, n'auront rien appris et resteront sur une espèce de naïveté du désir de toute puissance. Et c'est le cas de la première âme dont on nous décrit le choix, la prise de la vie, du type de vie, et qui prend une vie de tyran. Voilà. Et qui tout d'un coup se rend compte, juste après avoir adopté cette vie-là, se rend compte que c'est trop tard et de ce qu'elle a fait, et qu'une vie tyrannique, on l'a vu dans le livre 9, à quel point c'était une vie en fait de déchirement, de vraiment de de malheurs tumultueux, intenses. Donc, ça peut être à contrario. Hein, les vies précédentes servent ou non d'enseignement, elles servent ou non de levier. Et juste avant ce petit descriptif assez amusant que fait Platon, Platon s'amuse hein, quand même, faut bien le dire, il s'amuse en disant des choses très sérieuses, mais... Socrate fait une petite pause en disant « Il n'y a rien de plus important que de se mettre en recherche ici et maintenant de la personne qui pourra nous éclairer sur notre, appelons-le le choix de vie, sur notre futur choix de vie. » Parce qu'une fois que on a adopté un certain type de vie, tout le mythe nous décrit un processus de faire que ce soit irréversible. Mm-hmm. Voilà, ça devient irréversible. Et les moires, Lachesis, Clotho et Atropos vont se charger de rendre effectivement, de donner de la force et de l'autorité à cette prise qui a été faite. Et que on est une sorte de destin et qui est symbolisé par un démon qui va nous accompagner. C'est ça la question, hein. Voilà. Savoir est-ce que dans quelle mesure y a-t-il un destin? Dans quelle mesure se nous déterminer? Là, j'emploie le terme, effectivement, c'est pas celui qu'emploie Platon, mais c'est à celui qui a un écho aujourd'hui, hein. Dans quelle mesure pouvons-nous choisir librement la vie que nous allons mener? Ça, c'est, vous posez une très bonne question et c'est l'aspect un peu étonnant de ce mythe parce que d'une certaine manière, il contredit d'une manière inattendue le projet politique de Platon qui fait quand même tout reposer sur l'éducation. Donc, on a envie de dire, mais comment est-il possible avec un tel mythe ensuite d'envisager que la cité prenne en charge l'éducation? Qui dit éducation dit quand même espoir de faire quelque chose de meilleur. Oui, alors que voilà. Si nous sommes déterminés par la vie que nous avons menée précédemment, bah il y a plus d'espoir. Exactement. Alors, il faut peut-être justement lire ce mythe comme un mythe et ne pas le mettre au même plan que le reste du discours. Mais en disant cela, je prends un peu une échappatoire, j'en suis pas forcément très satisfaite. Mais je pense que Platon utilise des modalités et des registres différents de parole. Déjà, rien que le fait de mettre ce mythe, on en a entendu une partie, mais il y a tout un descriptif qui est très visuel, il y a une lumière qui traverse le monde, il y a une représentation du cosmos en modèle réduit, il y a ces grandes déesses habillées de blanc, il y a la nécessité qui est leur mère, le trône de la nécessité, les âmes qui passent. Avant cet extrait, on a eu toutes les scènes d'expiation ou au contraire de récompense des âmes, hein, parce que c'est là qu'il y avait tout un passage sur les châtiments. Tout ça est extrêmement visuel, extrêmement presque divertissant. Et on a presque l'impression qu'il compose un morceau pour le plaisir des yeux et pour le plaisir des oreilles. Donc je pense qu'il y a ça. Le revoilà. Alors, le plaisir. Plus sérieusement, tout à fait. Tout à fait. Le plaisir n'est jamais oublié. Il doit être façonné, en fait. Il doit être orienté. Plus philosophiquement maintenant, on peut considérer qu'un mythe aussi change de registre par rapport à tout l'entretien dialectique qui a été fait auparavant. Il s'agit peut-être aussi maintenant d'aller convaincre quelque chose d'autre dans l'âme, quelque chose qui peut résister un peu, qui est de l'ordre de la doxa, de l'opinion, et il faut aussi parler à ça dans notre âme, dans l'âme des gens qui écoutent. Nous ne sommes pas tous des grands philosophes, des grands dialecticiens capables de subordonner la totalité de nos émotions à notre intelligence. Et là, Platon façonne un spectacle qui est très riche en émotions, avec les châtiments, les cris, etc. Maintenant, on a ce moment très solennel, hein, le discours de âmes éphémères, voici le commencement de votre nouvelle vie, extrêmement solennel, pour impressionner. Donc, il y a la recherche, je pense, hein, dans cette écriture-là et dans ce mythe, il faut impressionner. C'est pour ça que les poètes sont si importants, c'est qu'ils impressionnent. Et Platon veut façonner d'autres impressions. Donc, on peut reprocher au philosophe Platon une forme d'incohérence, ou une forme, etc. On peut aussi voir qu'en rhétoricien habile, qu'il est aussi, il a une capacité à varier les niveaux de discours et le mythe est un instrument pour impressionner. Et le but, là, c'est effectivement de représenter les châtiments pour ceux qui auront mal agi. C'est un complément, hein, l'essentiel. On pratique la justice pas parce qu'on a peur des châtiments. Ça, on l'a déjà dit pendant 8 ou 9 livres, hein, donc c'est clair. Mais disons, on va faire le petit complément pour les âmes qui n'auraient pas vraiment reçu cela. Et maintenant, on applique, dans ce passage-là, on applique l'idée que les humains doivent cesser de reprocher aux dieux ce dont ils sont responsables. Le dieu n'est responsable que de ce qui est bon. Ce qui fait que, comme le dit Platon dans, je sais plus, c'est 2 ou 3 de la République, en fait, les dieux sont responsables de très peu de choses. Les dieux ne sont pas tout puissants. Donc la conclusion de la République de Platon, parce qu'il nous reste une minute, Anne-Mercaire, c'est que l'homme est responsable de sa vie. L'homme est responsable, et paradoxalement, tout le travail de Platon consiste à dire que la responsabilité se situe au niveau de la politique. Au niveau de la politique, et il en est tellement convaincu que jusqu'à la fin de sa vie, il a rédigé des textes politiques, et je ne voudrais pas terminer cette émission sans mentionner le texte extraordinaire des lois, qui est un énorme texte, que la République éclipse parfois un peu, et qui mérite une prolongation, et qui apporte, qui signe effectivement le destin politique de l'humanité. Responsabilité, oui, au niveau politique. Responsabilité individuelle, c'est plus complexe. Et voilà comment, Glaucon, cette histoire ne s'est pas perdue, mais a été préservée. Elle pourrait aussi nous sauver nous-mêmes, si nous nous en persuadions, car nous accomplirions alors une traversée heureuse du fleuve du Léthé, et nos âmes ne subiraient aucune souillure. Car si nous sommes convaincus par mon discours, nous croirons que l'âme est immortelle, et qu'elle est capable d'affronter tous les maux, capable aussi d'accueillir tous les biens. Et nous nous attacherons toujours au chemin qui monte là-haut, et nous nous appliquerons à mettre en œuvre la justice de toutes les manières avec le secours de la raison. Ainsi, nous serons des amis pour nous-mêmes, et aussi pour les dieux, durant notre séjour terrestre, autant qu'après, lorsque le temps sera venu de récolter les trophées de la justice, à l'instar de ces athlètes victorieux qui défient le stade. C'est ainsi que durant cette vie, et au cours de ce voyage de 1000 ans que nous avons décrit, nous trouverons bonheur et succès dans notre vie. Oh, my mama told me cause she said she learned the hard way. Say she wanna spare the children. She say don't give a say your soul away, cause all that you have is your soul. So don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Cause all that you have is your soul. I was a pretty young girl once. I had dreams, I had high hopes. Married a man who stole my heart away. Gave his love, but what a high price it paid. And all that you have is your soul. All that you have is your soul, chante Tracy Chapman. C'est la fin de cette série, cette double série autour de la République de Platon. Merci infiniment, Anne-Mercaire, d'être venue ce matin pour proposer votre lecture du livre 10. Merci à vous, c'était un plaisir, comme toujours. Un plaisir partagé. Et donc, j'ai lu les dernières lignes, hein, de la République de Platon. Nous trouverons bonheur et succès dans notre vie, tout un programme. C'est un peu émouvant, d'ailleurs, de terminer cette série, de terminer ce livre. J'espère, chers auditeurs, que vous vous replongerez dans les épisodes précédents. Vous pouvez les réécouter tous en podcast. On a lu l'intégralité de la République de Platon en 2 semaines. Bravo et merci à tous mes invités sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver Frédéric Worms pour sa chronique de philosophie quotidienne, le pourquoi du comment. Faut-il être sage comme une image ? Il y a une expression normative, injonctive, impérieuse qu'on n'entend plus beaucoup, ou une admiration aussi, une image en tout cas d'un jugement de valeur, une expression d'un jugement de valeur qu'on n'entend plus beaucoup, qui est celle que des parents ou des grands-parents adressaient à des enfants quand, en tout cas moi-même j'étais petit, c'était